Quel motif bidon pour organiser une soirée! Mais bon, ça me paraît plausible en tout cas. Vous confirmez cette piste?